Aujourd'hui, je veux concentrer la discussion sur ce que j'appelle le coefficient psychologique de la résistance humaine à l'énergie. Vous savez, je vous ai toujours dit que chaque personne a son temps, a un temps pour vivre l'immersion, pour vivre le début du grand travail de pénétration de l'énergie qui vient du double et qui pénètre sa personnalité. Chaque personne a son temps. Et quand ce temps-là vient, c'est à ce moment-là que c'est important pour nous de comprendre ce qui a été expliqué pendant les années auparavant. Et quand ce temps-là vient, il vient par surprise. Et la discussion aujourd'hui sur le coefficient psychologique de résistance à cette énergie-là, il est très important pour vous. Ce que j'appelle le coefficient psychologique à la résistance de l'énergie qui entre dans l'homme, c'est une mesure dans le sens que c'est une sorte d'état mental, c'est une sorte de concentration mentale, c'est une sorte de force mentale qui nous empêche lorsque l'énergie entre et bouscule la personnalité, essaie de la fracturer, nous empêche d'être pris dans le jeu de notre personnalité. Ça ne nous empêche pas de souffrir la pénétration d'énergie, mais ça nous empêche d'être pris dans le jeu de la personnalité. Et autant vous pouvez écouter des cassettes ou une forme d'instruction quelconque, autant vous pouvez comprendre certaines choses, autant ce que vous comprenez ne vous sert que lorsque l'énergie entre et crée des chocs suffisamment forts dans vos corps pour que vous en arriviez à la vivre, cette énergie-là, et à ne pouvoir rien faire contre elle. La pénétration du double dans l'homme ne peut pas se faire de deux façons. Elle ne peut se faire que d'une façon. Elle doit écraser complètement l'ego. Et quand je dis écraser l'ego, je ne veux pas dire détruire l'ego. Je veux dire le déplacer. Déplacer son centre de gravité pour que elle, cette énergie-là, s'installe dans l'homme. Et le centre de gravité de l'ego, il est fait par la psychologie de l'homme. Autrement dit, tout le matériel égoïque, il est encapsulé dans notre psychologie. Il est encapsulé dans notre incapacité de vivre le déplacement qui est créé par le choc de l'énergie quand c'est le temps. Et laissez-moi vous dire que quand ça vient, ça vient. Il n'y a rien sur le plan matériel qui peut vous soulager quand ça vient. Alors, il faut que l'ego change de place, laisse l'énergie entrer, et lui se coupe complètement psychologiquement de la souffrance. Et quand je dis se couper psychologiquement de la souffrance, je dis se couper psychologiquement de la souffrance. Se couper psychologiquement de la souffrance, ça ne veut pas dire ne pas souffrir l'énergie. Ça va souffrir pareil, l'énergie. Parce que l'énergie, c'est le travail qui se fait sur les corps subtils. Mais se couper psychologiquement de la souffrance, si elle dure 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est être capable de ne pas essayer d'intervenir contre elle. Autrement dit, ne pas essayer par les moyens que nous possédons, qui sont des moyens psychologiques, de faire interférence à cette énergie-là par toutes sortes de moyens. Par nos formes pensées, par notre façon de penser, par notre rationalisme, par l'analyse, par le jugement. Autrement dit, il faut que l'ego soit suffisamment à la pointe de lui-même pour être capable de vivre la pénétration de l'énergie, mais seulement d'une façon souffrante, et non d'une façon psychologiquement souffrante. Mais il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas la vivre au début d'une façon simplement souffrante. Vous êtes obligé de la vivre d'une façon psychologiquement souffrante. Autrement dit, vous allez être obligé au début d'interpréter, de donner de la valeur par vos pensées à cette souffrance-là, parce que cette souffrance-là naît de l'intelligence du double. Donc, l'intelligence du double est tellement subtile qu'elle ira chercher en vous, dans les moindres recoins de votre personnalité, des antécédents à votre souffrance. Autrement dit, de la mémoire, des sentiments. L'énergie créera de la réflexion en vous. Et de cette réflexion, vous aurez tendance à psychologiquement interpréter votre état. Et si vous interprétez votre état psychologiquement, là, vous allez souffrir psychologiquement. Si vous n'interprétez pas votre état psychologiquement, vous ne souffrirez pas psychologiquement, vous souffrirez pur et simplement. Mais d'un côté ou de l'autre, l'énergie vous amènera éventuellement à ne souffrir que énergiquement et à ne plus souffrir psychologiquement. Quand vous serez rendu à ce point-là, à ce moment-là, c'est parce qu'il y aura beaucoup de travail fait sur vos corps. Et vous serez dans un état de plus en plus près ou avancé du processus qui mène à la fusion éventuelle. J'ai reçu une lettre dernièrement d'un type qui était avant une carte ancienne. Et la carte ancienne, il a dit que la voie vers laquelle il s'avançait était une voie très, très difficile et qu'éventuellement, il sortirait de cette voie-là parce qu'il ne pourrait pas la vivre. Il y a une dimension au processus de fusion que moi-même encore je ne connais pas, dans ce sens que moi-même encore je ne peux pas parler, parce que il y a trop d'aspects dans la fusion qui ne peuvent pas encore être expliqués à l'homme, parce que l'homme doit être encouragé dans le processus de transformation. Autrement dit, si on me demandait, mais il y a combien de personnes qui vivront la fusion, il y a combien de personnes qui pourront aller au bout de la fusion, il y a combien de personnes qui un jour se sauront? Je ne pourrais pas le dire, je ne pourrais pas le parler. Parce que les gens doivent être amenés à vivre l'expérience jusqu'à la limite de leurs possibilités. Et quelque limite que ce soit, elle est bonne et elle est grande. Mais le point que je veux faire, c'est que le processus de fusion ne peut pas se rationaliser, ne peut pas être empêché chez ceux qui le vivront. Il peut être retardé chez certaines personnes. Il peut être retardé chez un grand nombre de personnes. Mais ceux qui vivront le processus de fusion ne peuvent pas empêcher le processus de fusion parce que ça fait partie de leur plan de vie. Et c'est réellement ces gens-là qui ont besoin de comprendre qu'il y a un coefficient psychologique de résistance à l'énergie dans le processus de fusion. Et ce coefficient de résistance, il est proportionnel à l'état mental, à la structure mentale, à la structure émotionnelle, à la structure physique de l'homme. Donc, l'homme qui vivra cette pénétration, ce transpercement de la calotte de la personnalité, de la croûte ces gens-là devront réaliser que entre l'expérience qui brûle la mémoire, parce que la fusion, sa fonction, c'est de brûler la mémoire. Dans le phénomène de brûler la mémoire, il y a le choc à l'émotionnel et au mental qui élimine la mémoire, et c'est ce choc-là que l'ego essaie d'empêcher en se servant mécaniquement de sa mémoire, en interprétant psychologiquement son être, dont il ne connaît absolument pas la réalité. Donc, l'ego est obligé d'être totalement neutralisé dans sa mémoire, parce que c'est sa mémoire qui sépare le double de lui-même. Et le double doit fusionner, il doit devenir totalement un avec l'homme. Et l'énergie est tellement forte dans le double, quand il fait sa pénétration, que l'ego, lui, doit comprendre une chose, c'est qu'il doit comprendre de souffrir l'énergie, de souffrir la souffrance, mais de ne pas psychologiquement s'interpréter, parce qu'elle est là, la souffrance. L'ego aura naturellement tendance à s'interpréter, parce que l'énergie fera ressortir du matériel, même du matériel qui va très loin dans sa vie, pour l'amener en surface, pour l'amener à sa conscience égoïque, pour détruire le miroir créé en lui par le mécanisme d'autoréflexion. Et ça, c'est absolu, c'est inéluctable, c'est un processus qui est universel pour notre planète. C'est un processus que les hommes qui sont marqués pour la fusion vivront, ils n'ont pas de choix. C'est dans l'expérience que vous comprendrez ce que je vous ai dit. Ce n'est pas dans l'écoute ou la lecture de ce que je vous dis, que vous comprendez ce que je dis au niveau de la fusion. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses au niveau de l'état psychologique avant la fusion. Mais si vous vivez la fusion, vous réaliserez que ce que je vous ai dit et que vous avez compris avant la fusion, vous le comprendrez d'une autre façon pendant la fusion. Autrement dit, la fusion, c'est totalement le produit de la pénétration de l'énergie du double dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital et dans le physique. Le double doit connecter avec les quatre plans de l'homme. D'où la nécessité pour l'individu qui vit la fusion, ou qui vivra la fusion, ou qui vit le processus qui mène vers la fusion, de comprendre et de réaliser que c'est très normal que l'expérience elle-même soit sans issue lorsqu'elle est vécue. Alors, si elle est sans issue lorsqu'elle est vécue, cherchez-en pas une issue, il n'y en a pas. Si vous cherchez une issue, elle sera amenée à votre mental par votre expérience psychologique et vous souffrirez de vous-même. Je vous ai déjà expliqué que l'homme est construit de telle façon que sa nature humaine a été programmée avant de venir dans la matière. Donc, le matériel émotif et le matériel mental qui fait partie de sa personnalité, c'est un matériel qui a été accumulé à son insu. Les conditions ont été accumulatives pendant des années de temps jusqu'à temps que le double puisse se servir de ces conditions pour fracasser l'ego, c'est-à-dire pour neutraliser la mémoire, pour empêcher que l'astral pénètre dans l'âme. Le problème de l'homme, c'est un problème d'astral. Et avant que l'homme en arrive à être capable d'être totalement dans son intelligence, de ne pas être aucunement influencé astralement, soit de l'extérieur ou de l'intérieur, ça va demander que le double brûle constamment sa mémoire. Le petit gars qui m'écrit une lettre, il me dit dans sa lettre, Là, il est allé voir la carte financière. Oh, j'avais une joke à vous conter. Ceux qui la connaissent, dites-la pas. Donnez-moi le plaisir de la faire. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça marche? Une minute. Pourquoi est-ce qu'un néophyte, quand il va à l'école, il apporte son Kodak? Mais tu ne plais pas. Il y en a plus qui ne savent pas de ceux qu'on a vus un matin. D'accord? Vous savez, là? C'est pour poser des questions. Si je parlais, non. Ah ouais. Alors, le petit gars, il va voir une cartomancienne, cette cartomancienne-là, puis qu'il dit, mais elle a dit une autre partie. Parce qu'il a dit, il parlait de moi d'une façon, ou pas, whatever. Puis elle a dit, l'homme que tu connais, il est sur la mauvaise voie. Fait que tu comprends? Pour se faire dire ça, et ne pas être influencé, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout si elle est bonne. Alors, quand je parle de l'astral, qu'est-ce que je veux dire dans le fond? Je veux dire, toute intelligence qui ne vient pas de soi, c'est astral. Toute intelligence qui ne vient pas de soi, c'est astral. Mais le soi, il commence où? Il commence après la destruction de la mémoire par le double. Il est là qu'il commence. C'est là qu'il commence. Votre soi, votre intelligence, votre volonté. Ça commence après la destruction de la mémoire, le fait que le double brûle la mémoire. Alors, vous pouvez vous imaginer que ce pauvre petit gars-là, il vit une expérience qui n'est pas facile. Et pourtant, j'en ai parlé. Combien de fois j'ai dit, apprenons à pas croire, puis à pas croire, puis à pas croire, puis à pas croire. Mais c'est dans l'expérience qu'il va comprendre ce que je voulais dire. Et tant qu'on ne vit pas l'expérience, on ne comprend pas. Et la différence entre ce que moi j'appelle de l'intelligence et ce que les hommes appellent de l'intelligence, la différence est absolue. Elle est absolue. Tant qu'un homme n'est pas capable, d'être absolu dans sa tête, il n'est pas dans son intelligence. Il s'en va vers. Mais il n'est pas dans son intelligence. Alors, vous autres, ceux qui vont vers la fusion, vous allez de plus en plus vers votre intelligence. Et à un certain moment, tu n'as pas besoin d'être fusionné pour être dans ton intelligence. Mais plus tu es fusionné, plus tu vois jusqu'à quel point c'est facile. Dans l'expérience, dans les événements créés par le double pour tester ta résistance psychologique, c'est là que tu vois jusqu'à quel point tu es rendu centrique. Puis on s'aperçoit qu'on ne l'est pas autant qu'on pensait. Parce que c'est toujours quand notre mental et notre corps émotionnel est troublé qu'on découvre la mesure de notre intelligence. Jamais avant. C'est toujours quand on est troublé dans le mental et dans l'émotion qu'on découvre jusqu'à quel point on est dans notre intelligence. Parce que quand on est troublé dans le mental ou dans l'émotion par un événement, ces corps-là vibrent. Et un jour, il faut que ces corps-là ne vibrent plus. Parce qu'un jour, il faut que ces corps-là ne servent plus. J'ai expliqué dans une des cassettes dernièrement qu'est-ce que c'est le double. J'ai expliqué que le double dont je parle, ce n'est pas le double de l'ancienne philosophie ésotérique de l'humanité. Que le double dont je parle, ce n'est pas le corps astral. Que le double dont je parle n'est même pas une personne. Que le double dont je parle n'a même pas la forme d'une personne. Que le double dont je parle est un processus de distillation de l'énergie mentale et de l'énergie émotionnelle. Qui ne peut être créé que par la fusion. C'est ça le double. Et le double n'a jamais existé sur la Terre. L'humanité n'a jamais eu de double. Le double, ça fait partie de la nouvelle évolution. Ça ne fait pas partie de l'évolution de la cinquième race. Et ça ne fait pas partie de l'évolution de certaines personnes au cours de la cinquième race. Donc, le double dont je parle, c'est un processus de distillation. Et la transformation, autrement dit, le double dont je parle, c'est un corps astral perfectionné à sa limite. C'est pas un corps astral. C'est le corps astral perfectionné à sa limite. De sorte que le corps astral est capable, perfectionné à sa limite, de devenir double, c'est-à-dire de devenir un véhicule totalement indépendant de la personne humaine, c'est-à-dire totalement indépendant du plexus solaire. Autrement dit, n'ayant, ne possédant aucun cordon d'argent. C'est ça le double. Donc, ce double, que dans le passé j'appelais l'ajusteur de pensée, ce double, c'est une énergie qui synthétise l'énergie indifférenciée. Quand elle passe cette énergie-là à travers du double, elle devient automatiquement volonté, amour et intelligence. Le double, c'est une énergie qui s'auto-crée, qui s'auto-gestionne, qui possède sa propre intelligence, sa propre volonté et son propre principe d'amour. Mais il doit être construit, ce principe-là, ce double. Et pour qu'il soit construit, il faut absolument que l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle soient distillées. Autrement dit, compressées jusqu'à ce qu'il y ait éclatement du lien entre l'ego et l'âme. Autrement dit, l'ego et le corps astral. Autrement dit, l'ego et la mémoire. L'ego et l'émotion. C'est ça la fusion. Et cet éclatement-là, il est créé par le développement de plus en plus fort du double. Plus le double se prépare à fusionner, plus l'éclatement devient près de l'homme dans l'expérience. Mais d'où vient le double? Qu'on dise que le double est le produit d'une distillation du mental et de l'émotionnel qu'on vit quand on subit cette grande compression-là, c'est une chose. Mais d'où vient le double? Bonne question. D'où il vient le double? D'où il vient le double? Vous voulez connaître les origines de l'homme, vous devez connaître les origines du double. Le double, il a toujours existé. Tout le temps, il a toujours existé le double. Mais il n'était pas perfectionné. Il n'était pas perfectionné. Autrement dit, c'était une partie de la machine humaine qui a toujours existé, mais qui n'était pas perfectionnée, un peu comme l'âme a dû se perfectionner, le double devait se perfectionner. Mais pour que le double serve, il faut qu'il descende dans la matière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit amené à un tel point d'évolution qu'il puisse remplacer simultanément chez l'homme la fonction mentale et la fonction émotive. Alors, le double, qu'est-ce que c'est? C'est un corps, une énergie, qui contient à la fois le processus de mentation et le processus astral. Dans le double, il y a à la fois l'astral et le mental. Tandis qu'avant, l'homme avait le mental et l'astral. Il y avait deux principes séparés. L'homme nouveau ne possède qu'un principe universel qui contient les deux. Donc, la fonction mentale et la fonction astrale, elle est contrôlée par le double. C'est le double qui devient astral et c'est le double qui devient mental, comme c'est le double qui devient vital, comme c'est le double qui pénètre dans le corps matériel éventuellement lorsque cette fonction double réunie a été établie et qui maintient et qui donne la vie au corps matériel selon la volonté du double. Alors, nous, les hommes, nous avons été habitués pendant des millénaires, durant l'évolution, à vivre deux vies simultanément. On vit une vie mentale, une vie émotionnelle, puis les deux sont séparés, les deux influent l'une sur l'autre. Donc, dans notre mentation, il y a de l'émotion, dans notre émotion, il y a de la mentation, donc on a des vies qui sont totalement inconscientes. Et c'est ça qui crée l'inconscience de l'homme, c'est ça qui crée l'homme planétaire, c'est ça qui crée nos souffrances, c'est ça qui crée nos souffrances. Point final. Lorsque la distillation commence à se faire, à ce moment-là, évidemment, à cause du travail que fait le double sur le corps mental et le corps émotionnel, l'ego, lui, qui est quoi? Qui est dans ses principes subtils de lamentation et de l'émotion, il est obligé d'être retiré de la game. Alors, le processus d'être retiré de la game de la vie, le processus d'être mis à part de la game de la vie, pour l'ego, c'est difficile. Parce que l'ego a toujours réfléchi sur sa vie. Il a réfléchi sur sa vie pourquoi? Parce que la faculté de penser qui interprète émotionnellement sa vie, et il y a l'émotion qui se sert de sa pensée pour se comprendre. Donc, l'ego a été obligé, pendant l'évolution, de vivre une vie à deux étages. Il est tellement habitué à ça que c'est ça qui lui donne son sens d'être-té, son sens de moi. Le moi, il est créé par le fait que dans l'être humain, il y a une faculté mentale et une faculté astrale qui travaille, qui fonctionne les deux en même temps. Mais lorsque l'homme va vers la fusion, cet état planétaire est changé pour un état cosmique. C'est-à-dire que la dimension psychologique de l'homme qui naît de la relation entre le mental et l'émotionnel, elle est brisée, elle est brûlée par le double, parce que le double, comme j'ai dit, est un processus de distillation. Le double doit exproprier le mental et exproprier l'émotionnel pour prendre place dans l'homme. Une fois que le double a exproprié le mental puis a exproprié l'émotionnel, c'est évident que l'ego, l'homme, le petit moi, n'existe plus. Alors, quand il n'existe plus l'ego comme ça, qu'est-ce qui existe? Il existe d'autres choses. Il n'y a plus l'homme planétaire, pas l'homme cosmique. Il existe d'autres choses. Mais le déracinement que ça demande, le déracinement que ça requiert, il est vécu, connu, subi, compris par celui qui le vit. Ça se parle pas, ça. Ça se transpose pas par des paroles. Vous savez, quand vous vivez ces états aigus de pénétration de l'énergie, cette souffrance aiguë, écœurante, qui est totalement au-dessus de votre volonté subjective. Alors, c'est très important pour l'homme de comprendre la nature du double telle que je l'explique et non telle qu'elle a été expliquée par les écoles ésotériques du dernier millénaire. Parce que ce que nous avons su dans l'ésotérisme de l'ancienneté, c'est un matériel qui faisait partie d'une expérience inconsciente de l'homme, pendant laquelle il avait encore droit à l'émotion et au mental, mais qui ne pouvait pas lui donner conscience ou connaissance de la réalité du double qui ne vient qu'à la fin du 20e siècle, début 21e. C'est évident. Quand même, vous feriez des voyages de l'âme jusqu'au bout du monde. Vous allez toujours revenir à votre nombril. C'est pas des voyages de l'âme que vous allez apprendre quoi que ce soit. T'as pas besoin de voyager pour apprendre quelque chose. Alors, pour nous autres, de comprendre essentiellement le double tel qu'il est exprimé dans cette instruction, nous devons prendre conscience du fait que notre relation planétaire avec notre mémoire est une relation qui, pour ceux qui vivront la fusion, devra être totalement déracinée de l'homme. Alors, ceux qui sont marqués pour la fusion dans le monde vivront ce déracinement et ils s'apercevront. À partir du moment où ça commencera, ça, que c'est là que ce que j'appelle la vie commence. La vie, elle commence là. La vie, elle commence pas avant ça. Avant ça, c'est de l'existentialisme, c'est de l'existence. C'est un partnership entre le mental puis l'émotion, c'est une game qui donne naissance à ce qu'on appelle, nous autres, dans le monde occidental, l'ego, le petit moi. Mais quand la distillation commence, que la mémoire est réellement remplacée par de l'instantanéité, à ce moment-là, l'homme commence à comprendre qu'est-ce que c'est de la vie. Et de la vie, c'est pas ce que vous pensez de la vie. D'abord, de la vie, ça ne se pense pas. Fait que tant que vous pensez à de la vie, vous pensez à une structure psychologique basée sur votre mémoire, sur vos sens, qui vous permet émotivement et mentalement d'interpréter ce que vous considérez la vie. Mais c'est pas ça de la vie. Un homme fusionné qui est dans la vie réalise sa vie de cette façon. Il réalise que la vie, c'est de l'intelligence. La vie, c'est de l'intelligence. La vie, c'est de la volonté. Je ne parle pas d'amour pour demain. Donc, pour aujourd'hui, la vie, c'est de l'intelligence et c'est de la volonté. Donc, si pour vous autres, l'intelligence et de la volonté, c'est une attitude psychologique qui provient de la nature même de votre être à cause de la dualité de votre émotion et de votre mental, c'est évident que vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas être dans de la vie. Et de la vie, c'est de l'intelligence. De la vie, c'est de l'intelligence, absolument. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est ça, de la vie. Naturellement, il n'y a pas de limite. Parce que une fois que vous êtes dans de la vie, à ce moment-là, il y a suffisamment de changements vibratoires dans vos corps subtils pour qu'éventuellement le double, ayant une capacité de rayonnement très puissant, puisse sortir, se libérer complètement de la structure de son port d'attache et vous donner accès à des dimensions parallèles qui font partie de la conscience cosmique de la Terre, de la conscience cosmique des systèmes environnants. Et le point que je veux faire, c'est que de la vie, c'est de l'intelligence et de la volonté. Donc, si vous n'êtes pas capable, dans vos expériences, qui mène à une plénitude éventuelle de la fusion. Si vous n'êtes pas capable de vivre vos expériences dans le tranchant de l'expérience, dans son caractère absolument tranchant, qui justement sépare l'émotion et le mental, distille l'énergie du mental et de l'émotion pour créer une autre énergie, qui est celle du double, à ce moment-là, vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est la vie. Ah, c'est pour ça que vous êtes dans un état d'ambiance, vous vivez une ambiance biologique avec des paramètres de mentation, d'émotivité ou de physicalité ou de vitalité, mais ce sont des paramètres d'une ambiance biologique qui est totalement animale, qui n'a absolument rien de commun avec le surhomme. L'investigation de l'homme que je fais et que j'explique demande une intelligence sans fin. Ça veut dire une vie sans fin, c'est-à-dire une volonté qui n'a pas de limite. Sinon, l'homme ne peut pas investiguer le royaume de l'intelligence. Et s'il ne peut pas investiguer le royaume de l'intelligence, il ne pourra jamais comprendre les lois vibratoires de l'intelligence et de la volonté qui sont essentielles pour créer sur le globe planétaire une condition de vie qui est assujettie aux lois du double, aux lois de la lumière du double, autrement dit, aux lois de l'intelligence créative et de la volonté créative. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre, je prends le cas de, comment est-ce qu'il s'appelle, Aimé Michaud, pour en prendre un, on vit des situations dans la vie exaspérantes. C'est là où vous connaissez, ou là où vous connaîtrez, là où vous vivrez l'exaspération, que j'explique très bien dans la cassette qui vient, que vous réaliserez qu'est-ce que c'est le couteau du double contre l'enveloppe astrale et mentale de l'âme. Sans exaspération, vous ne pourrez jamais fusionner. Vous ne pouvez pas fusionner sans exaspération. Parce que l'exaspération, c'est la limite du mental et de l'émotion de l'homme contre l'activité créative et pénétrante du double. Ne demandez-vous pas pourquoi est-ce que dans votre vie, vous avez des situations, des blocages qui ne seront pas débloqués avant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans. C'est normal. C'est de même que ça marche. Moi, je vous donne des façons de pas souffrir pour rien. C'est une chose. Je vous donne des façons de pas souffrir pour rien. Ça, c'est la valeur de l'instruction. On a assez de souffrir sans souffrir pour rien.